Ouais, on est bien sur FMR, c'est France Impro ce matin, c'est Jean-Michel au micro. On était avec un duo d'un album qui s'appelle Mars, qui est sorti en 2006 et avec Makoto Kawabata et Jean-François Pouvros. Makoto Kawabata, c'est un musicien japonais, comme son nom l'indique, qui a commencé sa carrière dans les années 70. Il se décrit comme un musicien du rock psychédélique influencé par les groupes de l'époque. Il est surtout connu par avoir fondé le groupe qui s'appelle Acid Mother Temple. Il dit que sa démarche, en fait, c'est pas une forme d'expression, c'est simplement, ou pas forcément simplement d'ailleurs, c'est de capter et assembler les sons qui nous entourent pour les rendre compréhensibles et expressifs. Sur cet album, il est en duo avec Jean-François Pouvros, c'est un musicien du nord de la France, né en 47 à Aumont. C'est essentiellement un improvisateur, influencé par des guitaristes rock comme Jimmy Page, et puis comme des gens comme Derek Bailey, guitariste improvisateur. Des groupes, Jean-François Pouvros, donc il a participé à des groupes comme Mobius. Il a enregistré des albums comme Le Grand Amour. Il a fondé un groupe qui s'appelle Marteau Rouge également. Également les quatre filles de l'industrie. C'est espèce d'expression que l'on peut retrouver. Il a joué aussi la compagnie de lecture, notamment avec le poète Charles Pennington ou le poète japonais Kazuo Yoshimatsu. On le retrouve sur des musiques de films également, comme Royal Bonbon et Peachy Boy, du cinéaste Charles Nashman. Le film Gris Blanc, de Karim Dridi, et La Mécanique des Femmes, de Jérôme de Missols. Thank you. Je vous propose d'enchaîner avec un groupe britannique. Donc, du coup, Jean-François Provost étant proche des musiques d'improvisées britanniques et de la scène britannique de l'époque, on va enchaîner avec Art Beers. C'est formé par Fred Fries, guitariste, essentiellement Chris Cutler, batteur, et puis Doug Marco. C'est une formation studio qui a fait une tournée en 79, mais essentiellement du studio en démarche. Avec le deuxième morceau de l'album. On écoutait un morceau qui s'appelle Truth. Pour vous donner une idée des titres de cet album qui s'appelle The World As It Is Today. The Song of Investment Capital Overseas. Freedom, Civilization, Democracy. The Song of the Martyr, Law. The Song of the Monopolist. The Song of the Dignity of Labor Under Capital. Albion Awake. On va écouter un autre morceau qui s'appelle Law. Allez, on s'en écoute un petit dernier peut-être de cet album The World Is As It Is Today. On va écouter The Song of the Dignity of Labor Under Capital. C'est une chanson d'actualité peut-être. Because the small ones will go down. The air will clear, the strong will sweep the weak ones up. The timid ones will disappear. That's the way of the world, all right. As I stood at my bench and the job hurried by, while my hands did their work, a tear fell from my eye, and another, and soon, though I couldn't say why, I felt such a sorrow, I wanted to die. Voilà, le dernier morceau, c'était Albion Awake par Heartbeers, groupe anglais. Bien, on va continuer peut-être par... Alors, ce matin, c'est assez peu d'impro, à part le premier duo qu'on a écouté tout à l'heure, mais ce sont quand même des musiques, on va dire, expérimentées et bien vécues avec un musicien qui s'appelle John Greaves. En formation dans un album qui s'appelle Dogme des six jours. Avec Marcel Canche, avec Milo Malin, avec Nicolas Rabiot et avec Isabelle Lemaître. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. On va écouter peut-être le premier morceau. La danse des animaux malades. Thank you. Ne pas être mou. Ne pas être mou. Ni dur. Alors on enchaîne avec cet album John Grieve en coopération avec des avec Marcel Canche, Milo Malan et Nicolas Rabiot, Isabelle Lemaître. Après la danse des animaux malades, c'était Water. Et on écoute un morceau qui s'appelle Couleur maintenant. Thank you. Voilà, c'était un extrait de Dogme des six jours avec le bassiste John Greaves. À noter, John Greaves a joué avec beaucoup de musiciens comme Robert Wyatt, comme Peter Blegvard. Il a joué aussi avec des musiciens français comme Julien Louraud, Sylvain Vanneau. Il a commencé avec sa collaboration avec Enrico, groupe de rock expérimental anglais. The Lodge aussi. Peut-être on écoute un dernier morceau. Vaguely high on a rock, the ocean in my face. I am piercing waves, waves of desire. It's from you I came, hair now like white foam is. Ears glide by like gills, scales underwater, scales under the skin, hidden in sleep. Coral as far as the eye can see. Rayfish layer my body, dreams slither across the sand. Fins like angel's wings. It's you I came to see. In those days of knee-deep bitterness, war without name, no taste of honey in the wind. I can taste you from dawn to dusk, woman, woman of water, woman, woman of sea, woman, woman of seaweed, woman, woman of salt. I drink you. Voilà, c'était un morceau qui s'appelle Dort de l'album Dogme des six jours, John Greaves avec Marcel Canche, guitare, Mino Malan, percussion, Nicolas Rabiot au piano et Isabelle Lemaître aux voix avec John Greaves qui est à la basse également et au piano. Je vais vous dire deux mots de l'agenda. Des concerts, l'agenda partagé des sonophages. En commençant par le 13 décembre. 13 décembre, ça se passe à la CAF Poésie et rue du Thor. C'est une performance Marc Sastre et Fabien Gaston Rimbaud. Regard croisé sur deux poètes électriques, Marc Sastre et Fabien Gaston Rimbaud, avec Marc Sastre qui sera en trio avec Guillaume Navarre et Camille Sabatier. Voilà, c'est à la CAF Poésie, j'imagine, autour de 20h, à vérifier sur leur site le 13 décembre. Le 16 décembre, il y a le grand bal d'Anarchie dans le Yucca. Ça se passe à Mixarmeris. Meix-Armeris, c'est dans le quartier des Minimes vers le canal. Vous connaissez sans doute, je ne sais plus l'adresse exacte, mais ça se trouve facilement. On entendra Sec ne chante pas Léo Ferré. On entendra In Love With, Ultra Zouk et Création d'Erino Golem, que je ne connais pas. Il y aura également The Destroy Boy en interplateau et Édredon Sensible. Voilà, c'est un grand bal de l'Archer dans le Yucca, Meix-Armeris, le 16 décembre. Je crois que c'est un vendredi. Le jeudi 21 décembre, ça c'est un super rendez-vous aussi, ça se passe à Archipel, place Arnaud Bernard. Ça, c'est une performance qui s'appelle Sur le fil. Ce sont tous les mois des soirées consacrées à l'expression libre. C'est organisé par un musicien qui s'appelle Laurent Avizou. Faut s'inscrire pour jouer sur place. En fait, la soirée se passe en quatre temps. On arrive à 19h30. On peut boire un coup et grignoter des petites choses. À 20h, il y a la première partie. Ce vendredi-là, ce sera un duo. Stéphane Barascu, un guitariste toulousain, et Laurent Avizou, guitariste également, avec de la danse et des plasticiens. Programmation en cours. En général, c'est un lieu d'art plastique, Archipel, et il y a des tableaux affichés ou différentes choses intéressantes à contempler. Et ensuite, après cette première partie, à 20h45 environ, il y a une pause. On peut discuter, papoter avec nos voisins et se restaurer également sur place. Et ensuite, il y a une scène ouverte sur inscription. 4 à 6 musiciens qui vont jouer avec Stéphane Barascud, s'il le souhaite, et Laurent Avizou également. Voilà, c'est un super endroit. C'est un lieu d'écoute qui est vraiment intéressant. Et des soirées qui sont toutes, je veux dire, originales et assez profondes dans la recherche qui est accomplie sur place, en improvisation. Voilà, voilà. Et pour terminer, le mois de décembre, du 30 au 31 décembre, il y a le festival Jazz 360 degrés qui se passe au Théâtre Garonne sur deux jours, le samedi 30 décembre et le dimanche 31 décembre. Le samedi, ça commence à 17h et le dimanche à 18h. On écoutera plein de gens, William Parker, In Order to Survive, Rob Brown, Cooper Moore, Amit Drake, Donny Clasrow, je crois qu'on l'a vu à Jazzalus cet été, Benjamin Dubosc, Didier Lasserre, No Noise, No Reduction, NNNR, nos copains toulousains, Marc Demereau, Eric Larenne, Denis Badeau. Voilà, enfin, il y aura plein de gens. C'est au Théâtre Garonne. C'est vraiment à pas manquer. C'est les samedis 30 et dimanche 31 décembre. Il nous reste 5 minutes. On peut peut-être changer d'ambiance. Du coup, je vais vous passer un solo d'un percussionniste qui dit des choses. On en parle après. Ben non, on en parle tout de suite. Il s'appelle Milton Graves. C'est un musicien improvisateur qui fait pas que de l'improvisation non plus. On va écouter quelques morceaux pour finir l'émission tranquillement. Oh, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma Voilà, c'était l'émission en France Impro. Ce samedi matin, il n'est pas tout à fait 11h. Eh bien, je pense que ça va être la dernière émission de l'année. Je ne crois pas qu'on en fera le dernier samedi de décembre. Et on vous souhaite de passer de bons moments ce week-end. Prenez pas froid. Pensez à l'écouter de la musique. Il y a des belles choses qui se passent. On vous rappelle l'agenda des sonophages qui est sur... je sais pas, mais vous tapez sonophage agenda sur le net et vous trouverez facilement. Il y a beaucoup de choses d'ici la fin de cette année. On se retrouve en 2018. Portez-vous bien. Ciao.